Bonjour à tous, très chers auditeurs, et bienvenue sur Radio Gémozo, pour l'instant santé et bien-être avec les secrets de Mathilde. Encore un sujet féminin, le free boobs, ou sein libre au choix. Et si l'on disait adieu à notre ami, ou plutôt ennemi, le soutien-gorge? Rien que le nom me donne des frissons. Cette sensation d'oppression quotidienne, cela fait plus de 2 ou 3 ans que je n'en porte plus et je vous invite à essayer, mesdames. Ce soutien qui, d'un sens, ôte le soutien naturel que peut nous offrir notre poitrine. Certes, je vous l'accorde, je n'ai pas une poitrine des plus imposantes. À vrai dire, je ne connais même pas la taille de mon bonnet. Mais une chose est sûre, c'est qu'en arrivant sur Terre, le soutien-gorge n'existait pas. De nos jours, les poitrines augmentent dès le plus jeune âge en raison des excès d'hormones que l'on trouve partout, notamment dans la nourriture, ainsi que la prise précoce de contraception hormonale. Mais si l'on essayait de faire confiance à notre corps et d'éviter de lui donner une béquille pour des raisons esthétiques, notre corps est bien fait. Si nous l'entretenons, il n'a pas besoin d'aide extérieure. Le maintien se fait naturellement. Non, les soutiens-gorge ne sont pas indispensables. Vous étiez persuadé depuis votre adolescence que de ne pas mettre de soutien-gorge transformerait inéluctablement vos seins en grande toilette ? Détrompez-vous, il n'a jamais été prouvé scientifiquement que les soutiens-gorge avaient une quelconque efficacité sur le maintien de la poitrine. C'est le poids de celle-ci et la qualité de la peau qui sont responsables du relâchement que l'on observe avec les années. Ne pas en porter améliore la circulation. Qui n'a jamais repéré des marques sur la peau après avoir porté un soutien-gorge toute la journée ? Si celui-ci comprime la peau, il empêche également la bonne circulation de la lymphe, un liquide présent dans le corps dont la fonction est d'évacuer les toxines et les déchets. Résultat, les cellules sont moins oxygénées et la qualité de la peau s'en ressent. Le port quotidien du soutien-gorge peut donc être à l'origine de problèmes de santé. Les baleines et la pression exercée risquent de provoquer des kystes douloureux, des réactions cutanées désagréables, mais aussi d'autres pathologies. Le soutien-gorge peut parfois aussi être à l'origine de douleurs dorsales, musculaires et aggraver celles qui existent déjà. Ne pas porter de soutien-gorge renforce le soutien-gorge naturel. La poitrine est composée de ce qu'on appelle les ligaments de Cooper, des ligaments qui conservent les seins dans une sorte de filet suspenseur, c'est-à-dire une sorte de soutien-gorge naturel. Malheureusement, celui-ci, s'il n'est pas utilisé, s'atrophie, alors que si ces ligaments sont stimulés par la pesanteur, ils se renforcent et améliorent l'élasticité des tissus. Favorisez le maintien en mettant en place des rituels quotidiens pour prendre soin de vos seins. Cela commence par un massage tous les jours. Chaque jour, matin et soir, nous devrions accorder du temps à nos jumeaux pour qu'ils restent sains. Prenez une huile végétale neutre qui vous attire. Noix de coco, sésame, avocat, tournesol, peu importe. Installez-vous confortablement avec une musique douce en fond. Un moment rien qu'à vous. Le massage va permettre de raffermir vos seins, les décongestionner et faire circuler l'énergie et les liquides comme le sang et la lymphe. Commencez par votre sein gauche, en faisant des mouvements dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans l'autre sens, le tout avec douceur et bienveillance. Fermez les yeux et profitez de cet instant. Soyez dans le cœur et non pas dans le mental. Ne réfléchissez pas trop. Puis passez à l'autre sein. Le sein droit, même chose, mouvement circulaire dans un sens puis dans l'autre. Éveillez vos sensations et observez ce qu'il se passe émotionnellement et physiquement. Pour terminer, vous allez masser vos deux seins en même temps. Une main pour chaque sein. Vous pouvez tout à fait remonter sur votre thorax, puis votre cou pour un massage des plus agréables. Vous ressentirez une réelle sensation de plaisir, de l'amour pour soi, pour votre corps. Si vous faites cela durant 21 jours, vous observerez de nettes améliorations de maintien et de renforcement. Et si vous vous sentez prête, vous pouvez essayer de laisser vos seins libres durant quelques jours et voir ce que cela vous procure. Si c'est inconcevable pour vous, le massage sera d'autant plus le bienvenu quand en fin de journée vous vous libérez de ce soutien extérieur. Emporté ou pas, c'est une question de choix. Mais n'hésitez pas à redécouvrir l'intérêt d'évoluer seins libres pour votre santé ainsi qu'un meilleur confort au quotidien. Une belle manière de vivre en harmonie avec son corps. Mais ne croyez rien que vous n'expérimentez pas. Prendre soin de soi est la meilleure chose que l'on puisse faire pour rayonner de bonheur autour de nous. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à vendredi prochain sur Radio Gémozo.